Nous saluons chaque frère et chaque sœur au nom de Jésus-Christ. Tunasalimia kila ndugu na kila dada mjina Bwana Yesu Kristo. Nous en profitons pour saluer nos frères et nos sœurs. Tunafaidia pia juu kusalimia ba ndugu na badada. Qui nous suivent en ligne. Bale wanatufuata mjia ya internet. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de vous. Bwana Mungu abariki kila mmoja wenu. Nous lisons notre écriture habituelle. Tutasoma andiko letu la zoezo. Esaïe 55. Isaïa sura makumi tano na tano. 53 plutôt. Makumi tano na tatu. Je vais prier. Taomba. Dieu Tout-Puissant, Mungu Mwenyezi, Créateur des cieux et de la terre, Mumbaji wa mbingu na dunia, notre Père et notre Sauveur, Baba yetu na Mokozi wetu, ton nom est le Seigneur Jésus, jina lako ni Bwana Yesu, nous te disons merci pour cet après-midi, tunasema asanti juu ya mangaribi ya leo, merci pour avoir assisté chaque sœur et chaque frère, asanti bila urisaidia kila ntuku na kila dada, même dans la prière, hata katika maombi, tu es celui qui n'est pas injuste pour oublier ce qu'ils font. Huku yule wasipokuwa mzalimu juu ya kusabu ile weko nafanya. Interviens tôt ou tard en leur faveur. Usaidie wala hapa sasa wala masiku japu ja mahitaji yabo. Maintenant nous avons encore besoin de toi. Hapa tunahitaji watu wako. Secours-nous d'une manière particulière. Utusaidie munamna ya upekee. Fais ce qui n'avait jamais été dans la vie de chaque frère et de chaque sœur. Parle de manière à ouvrir notre intelligence. Parle de manière à susciter une foi triomphante en nous. Nous t'en supplions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Pouvez-vous asseoir. Munaweze kuketi. Hier, nous avons lu Luc chapitre 13. Jana tulisoma Luka sura 13 pour montrer à chaque frère et à chaque sœur. Dieu a konesha kwa kila ndugu na kila dada que tout ce qui se fait chaque jour quand nous venons nous assembler. Ya kwamba ile yote inafanyika kila siku wakati tunakuwa kukusanyika. Le Saint-Esprit tente par tous les moyens. Roho Mtakatifu yuko nafanya manguvu yake yote pour secourir chaque âme. Dieu a kusaidia kila nafsi. Pour secourir chaque frère et chaque sœur. Dieu a kusaidia kila nduku na kila dada. Mais alors saisissez l'occasion. Kumbi mufaidie ile wakati. Peut-être votre jour c'est aujourd'hui. Sa zingine siku yako wewe ni leo. Et Dieu peut faire quelque chose. Na Mungu anaweza kufanyia kitu fulani. Parce que Dieu nous reconnaît comme étant sien. Kwani Mungu anatutambua kuwa bake. Il est responsable de l'appel qu'il vous a adressé. Il est responsable de vous avoir convaincu. Il est responsable de vous avoir attiré. Maintenant, il fait tout son possible. Sasa anaweza yote uwezekanapo. Par l'esprit et par la parole. Kupitia roho na kupitia neno. Pour tenter de faire de vous un chrétien portant le fruit de la parole. Dia kupima kukufanya upate kuwa mukristo mwenye kutoa matunda ya neno. Mais alors, donnez-lui l'occasion. Kumbi mumupatie ile bahati ile. Mettez-vous à sa disposition. Mupate kuwa tayari mbele yake. Regardez toute la Bible. Tazameni umbiblia muzima. Commençant par Abel. Kuanzia kwa Abeli. Tous ceux qui ont reçu la révélation de la part de Dieu. Bale bote bari pokea ufunuo kwa upande wa Mungu. Ils ont prospéré dans leur foi. Bali endelea sana muimani yabo. Ils ont produit des fruits dignes baritoa matunda ya kustahili de la révélation qu'ils avaient reçue. Ya ufunuo ile walipokea. Il n'y a jamais eu un homme akuyakuyaka mwanaume à qui Dieu a tendu la main, ule Mungu alimnyoloshia mkono, à qui Dieu s'est révélé, ule kwake Mungu alijifunua, Dieu a convaincu, ule Mungu alihakikishia, qui soit resté le même. Na abakie yule yule hapana. Que le Seigneur bénisse. Bwana Mungu ambariki. Qu'est-ce que c'est que le bras de l'Éternel? Mukono ya wa milele ni nini? C'est sa puissance. Ni uwezo wake. Dieu vient jusqu'à votre niveau. Mungu yuko nafika na mukimo yako. Vous convaincre, vous démontrer qu'il est le Dieu tout-puissant. Kukuhakikishia na kukuonesha kwamba yuko Mungu wa uwezo wote. Le bras de l'Éternel, mukono ya wa milele, c'est aussi sa volonté. Iko tena mapenzi yake. Dieu vient jusqu'à vous, ma sœur. Mungu anakuja kwako na kwako wewe dada na ndugu. Il vous convainc et vous indique sa volonté. Anakuhakikishia na kukuonesha mapenzi yake. Qu'est-ce que c'est que le bras de l'Éternel? Mukono ya wa milele ni nini? Dieu vient, Mungu yuko nakuja, et il vous révèle sa divinité. Na anakufunulia bu Mungu bwake. Vous révèle son programme. Anakufunulia mapu yake. Il vous révèle ses voies. Anakufunulia manjia yake. Il vous révèle son autorité. Anakufunulia mamlaka yake. Il vous révèle son intervention en votre faveur. Na anakufunulia musada yake kwa ajili ya faida yako. Oui. Ndio. Pour votre bien. Jia bizuri byako. Il n'y a jamais eu un homme dans la Bible. Ça, ça, kuya, kuya, ka, mutu, à qui Biblia, Dieu a fait ça, ule Mungu alimufania hii, et qui soit resté sans porter de fruits. Na bakie bila kutoa matunda shia kuyaka. Comprenez bien ça. Muelewe mzuri maneno haya. Parce que regardez dans Luc 13 là où nous lisons. Wani tazameni muluka 13 mulitu kunasoma. Verset 6. Mustari ya il tunda. Dit aussi cette parabole. Akasema tena hii fumbo. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Mtu mmoja alikuwa na mzabibu yenye kupanda mshamba yake. L'homme le Seigneur Jésus. Ule mtu ni Bwana Yesu. Il reconnaît néanmoins que c'est lui qui a planté ce figuier là. Atavila natambua sema yeye ndiye alipanda hii mzabibu. Il reconnaît que c'est lui qui vous a appelé. Anajua sema yeye ndiye alikuita. Il vous a convaincu. Na kukuhakikishia. Acquitter le Kintwadi. Utoke mu Kintwadi. Les Nzambe malamu, les meto, les grands. Meto, Nzambe malamu na mazebu inginepo. Il reconnaît que c'est lui qui a fait. Wanatambua kwamba ni yeye ndiye alikuita. Mais lakini la surprise c'est laquelle? Mambo ya kushangaa ni nini? C'est que vous ne portez pas de fruits. Ni ya kwamba wewe utoe matunda. C'est ce qui est indigne. Njo ile yasipo kustahili, inahuzunisha. Regardez un homme comme c'est pourquoi hier je disais. Njo kama na jana nalisema. Ne pensez pas que msiwazie ya kwamba pour être convaincu que Dieu est avec vous, que Dieu est avec nous, il faut une certaine apparition surnaturelle. Non. Dieu est souverain. Il peut faire ça en votre faveur ou en faveur d'une sœur. Mais nous vous exhortons à tenir ferme cette première conviction que vous aviez eue et à considérer que avec ou sans une apparition surnaturelle, je suis dans la volonté de Dieu. Mimi ni kukatika mapenzi ya Mungu. À persévérer. Upate kudumu. Et sachant que na mwenye kujua ya kwamba, dans la nature de Dieu, muasili ya Mungu, mtabia ya Mungu, il prend plaisir eko nafurahikia à éprouver ses enfants. Kupima batoto yake. Laissez un silence total. Kwacha tu bila kitu. Il l'a fait bibliquement. Alifanya Biblia. Regardez même un homme comme Noé. Azameni mutu sawa Noa. Il s'est passé beaucoup de temps. Kulipita miaka mingi. Je suis sûr même sa femme et ses enfants un moment pouvaient s'indigner et se dire c'est une aventure ça. Nawazia tabibi yake na watoto yake walipowezi kumwambia hii ni michezo tu kunacheza. Depuis que Dieu lui avait donné la révélation de la construction de l'arche. Tangia Mungu alimpatia ufunuo. Lisez la Bible. Dieu n'est jamais revenu vers Noé pour faire quoi que ce soit encore. Noé a persévéré en cela. Que le Seigneur bénisse. Regardez un homme comme j'allais dire David. Pour affronter Goliath. Comment David a rendu que tu as fait un certain signe? Dieu ne lui donnerait pas ça. Si David cherchait à la maman fulani, Mungu avait considéré que les deux premières expériences que David avait eues, c'était suffisant. Il est lui arrivé de tuer un ours, il de tuer un lion, Simba. Et pour David, c'était suffisant. Maintenant, regardez-vous aussi votre foi. Des petits signes sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Ne cherchez pas de grandes choses dans les choses de Dieu. Dieu est grand, mais quant à ce qu'il faut agir, il agit tellement dans la simplicité, vous pouvez vous en douter. Toute la Bible, vous verrez ça. Prenez une femme comme Rahab. Frère, pas d'écriture. Rien du tout. Tout ce que Rahab savait. Ces gens ici, ce sont ce que leur Dieu a fait depuis qu'ils ont quitté l'Égypte, c'est lui le véritable Dieu. Nous sommes tous dans la peur, dans la crainte. Et elle s'est engagée à protéger les espions. C'était au prix de sa vie. C'était un grand risque. C'était en quelque sorte comme nous pouvions dire, elle a trahi sa nation. Demandez à Rahab, qu'est-ce que tu avais vu de particulier? Avais-tu senti une certaine sensation? Et vous direz non. J'avais juste une petite conviction dans le cœur. Que les gens vont prendre le pays et que pour épargner ma vie, il fallait prendre position pour eux. C'était tout. Joyot. Et vous connaissez la suite? Namunayua ile unafuata kisha. J'ajoute. Naongeza. René Esther. Muchugu Esther. Frère. Nduku. La décision est tombée. Mipango eri. Il faut exterminer tous les Juifs. Inapashi kumaliza Bayuda. Mardoché n'avait jamais eu une vision. Mardoché asikuona ke ono apana. N'avait jamais eu une voix audible. Asikusikia ke sauti moya apana. Kamwe wala Esther mwenyewe. Mais tout ce que Mardoché savait. Kile Mardoché alijua. Tuko Bayuda letu. Nous sommes des Juifs. Mais nous prenons position pour notre Dieu. Sasa uchugue mpango ngambo yetu. Jeûnons et prions et demandons, présentons nos supplications à Dieu. Tufunge chakula na kuomba maombolezo mbele ya Mungu. Si Dieu nous favorable, il interviendra. Et tout ce que nous savons, Dieu ne nous abandonne jamais, nous les Juifs. Ayez une foi comme ça aussi. Ne cherchez pas à provoquer, à vous exciter, ne cherchez pas quoi que ce soit. Tenez-vous ferme dans la vérité qui vous a été révélée, que Dieu vous a convaincu pour vous amener à quitter la dénomination dans laquelle vous étiez, pour quitter le monde ou le train de vie dans lequel vous étiez et vous attacher à cette vérité. Et considérez que quand vous mettez à genoux, vous connaissez ce Dieu-là, c'est un Dieu véritable. Et priez conséquemment, demeurez ferme. C'est à Dieu d'intervenir en son temps. Mungu ye mwenye njo atasaidia mwakati yake. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. Si Dieu veut faire quelque chose de particulier pour vous. Kama Mungu anapenda kufanyia kitu moja upeke kwa souverain. Ye mwenye inamwangalia na mtawala yake. Vous allez voir bibliquement. Mutaona mbiblia. Tous ceux qui nous ont précédés dans la foi. Wale wote walitutangulia muimani. Certains n'avaient pas d'écriture. Bengine hawakuwa na andiko. Mais chose particulière avec nous. Lakini vitu ya upeke na sisi. Nous avons beaucoup de citations et beaucoup d'écritures sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Sisi tuko na maandiko mingi na misemo mingi nabii ile tunaweza kuonea kwa mfano. Manake il sera demandé beaucoup à ceux qui avaient reçu beaucoup. Manake bataomba bia mingi kwa wale walipokeaka bia mingi. Parce que nous on a reçu beaucoup. Jushie tulipokeaka bia mingi. Nous sommes dignes de produire des fruits dépassant ceux qui nous ont précédés. Manake tunastahili kutoa matunda ya mingi ya kushindia wale walitutangulia. Que le Seigneur bénisse. Bwana Mungu amibariki. Comprenez bien la chose. Mwelewe mzuri mambo. Quand vous faites de la négligence, wakati kuna sula, c'est que vous êtes responsable. Manake ile bujito ni yako. Vous êtes responsable. Ile bujito na kuangalia. Mungu dada, Mungu ndugu. Dieu, mon frère et ma soeur, persévérez Udumutu dans la voie que vous avez reconnue être certaine. Mungi ele ulitambua sema ni hakika ni ya kweli. Prenez deux, je crois que c'est 2 Timothée. C'est Paul qui le dit. Wa Timothée wa pili ni Paulo anamwambia Timothée. De Timothée, Timothée au Apili, chapitre 3, sura yake ya 3. Verset 14, mstari ya 14. Toi Timothée, wewe Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises. Udumu mubitu bile ulijifunza, ulijua. Bile barukufundisha. C'est content, Seigneur. C'est que tu as appris. Ah. Mm. Et reconnu certaines. Nabile on atambua kwa bia bia kweli. Sachant de qui tu les as appris. Mwenye kujua kwamba ulijifunza abe kutokea nani. Demeure dans ces choses. Udumu muibi bitu. Si vous croyez que ce message est la vérité. Kama unaamini ya kwamba hii ujumbe ni ya kweli. Vous a révélé son bras. Kama Mungu alikufunulia, c'est-à-dire vous a révélé que ce message est la vérité. Manake alikufunulia kwamba ujumbe ni kweli, ndio mapenzi yake. Si Dieu vous a convaincu que le Jéhovah c'est Jésus-Christ. Kama Mungu alikuhakikishia kwamba Yehova ni Dieu. Si Dieu vous a convaincu que c'est ça la vérité du jour. Kama Mungu alikuhakikishia kwamba hii ndio ukweli ya siku. Demeure ferme. Upate kusimama imara. Il y a une récompense en cela. Huku malipo kuile. Regardez le conseil de Boaz à Ruth. Tazameani shauri ya Boaz kwa Ruth. C'est pourquoi frère sœur. Joko mana nduku na dada. Siye na mweye. Nu mweye na miye. Vous et moi. Kama atutoe matunda ya bukristu babia kweri. Si nous ne produisons pas des fruits de dignes de vrais chrétiens, nous serons sévèrement châtiés. Manake batatua pisa vikali. Prenez une femme comme Rahab. Mchugue mwanamke sawa Rahab. Qu'est-ce que Rahab avait reçu comme prédication? Rahab alipokea mahubiri kani. Mais une conviction s'est levée dans le cœur de Rahab. Alakini hakikisho moyo ilamuka mu moyo ya Rahab. Mungu wa Bayuda ndio Mungu wa kweli. Et le Dieu des Juifs c'est lui le véritable Dieu. Mungu il faut atawale maisha yangu. C'est Dieu là qu'il faut qu'il domine. Ndio Mungu inastahili kuabudu. C'est le seul Dieu qui mérite d'être adoré. Ndio Mungu inastahili kuheshimiwa. C'est le seul Dieu qui mérite d'être honoré. Ndio Mungu inapasha kuteka mashikio kukile anasema. C'est le seul Dieu auprès de qui il faut prêter attention. Mais Rahab n'avait pas d'écriture. Rahab sikuwa na andiko. Avec ça, naï tu, toute sa jeunesse, Mbuyana elle accepta que c'est ma mine enda mouille inchi. Aritikia en disant, il faut que j'aille dans ce pays. Sori yangu vile bitakuya, mine chika ni tuktowe kwa huyu, njo Mungu wa vyakweri. Mon sort, malgré cela, j'accepte de me consacrer à ce Dieu. Il est la vérité combien de prédication. Aripokea kama ubiri ngapi? Mais toi tu en as eu combien? Sasa wewe unaisha kupokea mahubiri ngapi? Et regardez Rahab arrive. Wangalia Rahab. À Jérusalem. Anafika ku Yerusalemu. Elle sort. Anatoka. Et qu'est-ce que j'ai dit? Ruth. Luta Rahab. Ah. Ruth. Luta kisha kufika ku arrive à Jérusalem. Ku Yerusalemu. Et Dieu, na Mungu, voyant cette conviction qu'elle avait, kisha kuona ile hakikisho alikuwa nayo, Dieu lui a révélé son bras. Lui a révélé que je suis le Dieu véritable. Mungu anamfunulia ya kwamba mimi niko Mungu wa kweli wa Bayuda. Dieu est entré en scène. Mungu aliingia mukibeta. Comme il est écrit. Paka vile imeandikwa. Dieu conduit les pas des justes. Mungu yuko naongoza matua yenye haki. Dieu a conduit plutôt Ruth. Mungu anaongoza Luta. Comme c'était le temps où il fallait chercher à manger. Ça veut dire quoi nous wakati ya kutafuta chakula. Dieu a conduit ses pas dans le champ de Boaz. Mungu akaongoza miguu yake kwenda mashamba. C'est comme ça que Dieu vous a conduit. Jo mwile namuna Mungu naye alimiongoza kufika hapa. Vous pouviez reconnaître que le message est vrai. Munge tambua sema ujumbe ni kweli. Vous pouviez, il y a beaucoup de gens qui reconnaissent que le message est vrai. Ni kweli, kuko watu mingi wanatambua. Il y a beaucoup de gens qui reconnaissent que Elie le prophète c'est frère Branham. Ah, kuko watu mingi wanatambua sema Elie nabii ni ndugu Branham. Certains sont allés chez le Branham Dieu. Bamoja balienda kwa Branham Mungu. Certains sont chez les tonneristes. Na wengine wanaenda kwa wale wakuamini miungu. Dans diverses orientations de ce message. Imani ya kwa chana chana. Mais comment Dieu vous? Sasa namna gani Mungu mwenye alimiongoza kufika na hapa? Un lieu où la vérité est apportée. Fazile kweli inahubiriwa bila kuongeza. Où Dieu a établi un homme qui veille sur sa parole. Fazi pale Mungu anaweka mtu mwenye ukesha yule anafanya. Ni bure rester sans produire de fruits. Ni jumu bakie bila kutoa matunda? Non. Hapana. Un lieu. Fazi moya. Vérifiez toutes nos assemblées. Mujunguze ma kanisa yetu yote. Combien de fois jeûne-t-il? Mara ngapi wanafunga chakula? Mais ici, on vous donne l'occasion. Hapa wanaimpatia bahati. Chaque vendredi, vous savez qu'on doit jeûner. Kila mkastano mnajua sema nafasha funga chakula maombi. Ce n'est pas pour minimiser nos assemblées, sœurs. Aina jua kubeula makanisa yetu ya imani yetu moya. C'est une fois le mois chez certains. Bengine wewe unafunga ni mara moja kwa mwezi. Qui cherche la face du Seigneur. Na kutafuta uso wa Bwana. Et même une fois le mois. Bengine mara tu moja kwa mwezi. Combien viennent? Ni bangapi wale wanakuja? C'est que vous trouvez des frères et des sœurs. Manake utakuta banduku na badada. Une année. Mwaka mzima. Ils n'ont jamais assisté à leur au réunion de vendredi dans beaucoup des assemblées là où nous sommes passés aussi. Mais regarde ce que Dieu a fait pour vous. Vous a conduit en un lieu pour vous permettre de devenir chrétien avec beaucoup d'expérience. Et Dieu a fait de même avec Ruth. Ruth est arrivée dans le champ de Boaz ne sachant pas fika mu mashamba ya Boaz bila kujua Sheki ya kwamba ni mashamba ya nani ça va se passer bitafanyika namna gani ni mungu lui a permis hata vile wakamruhusu de glaner là-bas apate kulokotisha mure nduku le travail de glanage kazi ya kulokotisha kisha kuvuna utachoka mtivate fatigué parce que huko unapita kama unapata huko kamwinji kajima ni bachi si tu trouve un pied au grand complexe une fois on a fait ma vuno je sais qu'on a fait nguvu mingi yote. Lorsqu'il récolte, il s'efforce pour regarde comprendre. Quand nous faisons nos récoltes. Vous tenez à ce que qu'on ne fasse pas tomber le maïs. Vous ne faites nguvu mushache mwinja hata moja. Il est un nguvu c'est par accident. Ce qui tombe ni kwa rafla. Maintenant elle devait attendre. Ça c'est elle pas kuchunga. Boba naisha. Il tenait min d'abord récolter. Vous tenez chaque gamme de sugar. Quand est-ce que tu peux avoir une quantité suffisante? C'était quel sacrifice? Il quoi ni kujitoa kwa namna gani? Elle a travaillé. Aritumika. Elle a travaillé. Aritumika. Elle a persévéré. Aridumu. Et Dieu l'a laissé faire comme ça. Jusqu'au jour où Boaz est arrivé un jour. Boaz arifika siku moja. Il pose la question, c'est qui celle-là? Akauliza yule mwanamke ni nani? Lui dit non, elle est revenue de Moab avec Naomi et patati patata. Ah, anatokea ku Moab na Naomi bifulani. Mais c'est après d'abord un énorme sacrifice. Lakini nikisha kujitoa sana. Un peu ici, kulokota un peu là-bas, kiloko pale, jeûner, prier chakula, vendredi, venir, kuibada, ainsi de suite, jusqu'au jour où na musiku mule, Dieu se tournera sa face vers vous. Mungu atakugeuzia uso. Et ce sera particulier pour vous. Na itakuwa ya upeke sasa kwako. Que le Seigneur bénisse. Bwana Mungu aimbariki. Et vous connaissez, lisez maintenant Ruth 2. Musome Luta. Ruth chapitre 2 Luta sura yake ya pili verset 11 Mstari ya 11 Boaz lui répondit Boaz akamjibu. On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. Bariniambia ile yote ulimfanyia mama yako. Depuis la mort de ton mari. Tangia kufa kwa bwana yako. Boaz il était informé que cette jeune fille Boaz alijulishwa kwamba huyu binti pour leur survie, Dieu a beaucoup ishi. Elle doit venir ramasser le maïs et le blé. Anapasha kwe kulokotisha ngano. Pour qu'elle vive. Juba pate kuchakula na m'a rapporté tout ça. Bari niambia ile yote unafanya. Et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Namna kani uriacha baba yako na mama yako naacha inchi yenu na kuenda kubantu bale we au kujue. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel. Le Dieu d'Israël, Mungu wa Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Chini ya mabao yake unakuwa kufuchama. C'est le même Dieu sous les ailes duquel nous sommes venus nous réfugier. Eti, ni Mungu moya moya, chini ya mabao yake tunakuwa kujificha. Que fait-il? Unafanya nini? Il récompense entièrement. Eko nalipa byenye kweneana. Mais Arachini, travaillez d'abord. Utumike kwanza. Demeurez. Udumu. Dans les choses que vous avez reconnues être certaines. Bitu bile uritambua sema hivi ni vya kweli. Persévérez. Udumu. C'est là que les choses deviennent difficiles au devant des frères et des sœurs. Nous devons faire le travail de glanage. Tunapashi kufanya kazi ya kulokotisha. C'est un travail très difficile. Ni kazi ya nguvu sana. Très difficile. Ya nguvu sana. N'y a que les élus. Ni paka bateule. Qui tiennent ferme. Njo bale beko na simama imara. Njo pale baming. Njo kule sasa tamizaji kunafanyikia. C'est là qu'on est en train de tamiser. Mungu wa vya kweli ni huyu alileta mjumbe unayua. Le véritable Dieu c'est celui qui a amené kutumika. Njoo kule na wewe kuna choka utumike. Travailler c'est là que tu te fatigues, tu fais Mungu naye anapendaka bantu bakutumika. Meneamwe Dieu aime les gens qui travaillent. Ruth est le type du croyant qui vient des nations. Luta ni mfano ya mwaminifu wa kutokea kwa mataifa. Qui accepte de gémir, de travailler. Sikia kuteswa na kutumika. Que le Seigneur bénisse. Bwana Mungu amebariki. C'est un Dieu qui récompense. Ni Mungu le kuna lipana. J'ai un autre exemple. Niko na mfano ingine. Corneille. Cornelio. Allez dans Acte 10. Mwendo Matendo sura yake ya 10. Kintu kama unayua sema ni kya kweli. Si tu reconnais la chose est en vrai. Travaille. Kama unayua sema ni Dieu Mungu wa bya kweli. Si tu reconnais que c'est le véritable Dieu, il faut travailler. Omba. Prie. Ujitowe. Consacre-toi. Une mungu frère dada. C'est Dieu là mon frère et ma soeur. Kuku siku naasha kuprevoir njuu yako. Il y a un jour qu'il a prévu pour toi. Anapasha kujitourner sasa anasema leo ni situ ni ka fulani mite jokipe na. Mais là il va s'occuper de toi pour dire que aujourd'hui maintenant je m'occupe de celui-ci. Sasa kama mungu wakulashe. Si tu es quelqu'un wakuacha. L'écriture dit. Andiko inasema. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Si c'est atuna mukundi ya vale vale weko naacha. Qui lâche. Banacha bitu. Pour se perdre. Dieu a kupoteya. Nous sommes de ceux-là. Alakini tuku mukundi ya vale. Qui persévère. Vale weko na dumu. Pour arriver à la récompense. Dieu a kufika mukupata malipo. Acte 10. Matendo amitume. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Ku Césarée kulikuwa mtu mmoja jina lake Cornelio, mkubwa wa wajesi 100 ya kikosi kya wa Italia. C'était un homme de nation comme toi et moi. Alikuwa mtu wa mataifa sawa na mimi. Cet homme était pieux. Huyu mtu alikuwa mtawa. Et craignait Dieu. Na alikuwa anamwogopa Mungu. Il avait eu une conviction dans le cœur comme toi tu l'as eu. Alipataka kikisho muro paka vile wewe uli. Que Mungu wa kweli ni Mungu wa Israel. Que le véritable Dieu c'est le Dieu d'Israël. Njo Mungu inapasha kuheshimia bila anasema. C'est lui seul Dieu qui faut honorer ce qu'il dit. Kama nakataza kutakata mine chika. S'il interdit d'éclaircir la Kama nakataza bifulani mine chika njo Mungu wa kweli. S'il interdit quoi que ce soit je vais accepter. Ata missione vision mais njo Mungu wa kweli c'est tout ce que j'ai comme conviction. Même si je ne vois aucune vision c'est lui le véritable Dieu malgré que je n'ai pas akikisho. Kama nasema ba Kristo ba kunake mpombe shita samba. Si me dit que les chrétiens ne prennent pas de l'alcool, je ne peux pas. Il est arrivé au bon endroit. Arifika fazi mzuri. En Israël. Mu Israeli. pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Maintenant écoutez, allez poser la question à Corneille. Comment est-ce que tu parvenais à prier tous les jours? Ça avait fait combien d'années? Corneille peut vous dire ça a pris 10 ans. Corneille a t'acquambi à ce moment-là. 15 ans. Jusqu'au jour où Dieu s'est souvenu de moi. Kumbuka. Mais j'avais une conviction que Dieu m'envoie bien Dieu. Toi, weye, demeure udumu, dans les choses que tu as apprises mubitu bile urijifunza, et reconnu être certain. Na bile uritambua sema ni bia kweli. Demeure là-bas. Udumu mwile reste bitu. Seulement fixé là-bas. Ubakie tu mwenye kusimama mule. Observe ce que tu as apprises. Wangarishishe bile urijifunza. Et persévère. Na udumu. Ule Mungu njo vile anangariaka baiki batoto bakukankamana. C'est Dieu là, c'est de cette manière là qui regarde ses enfants. Ba frère na ba sœur bakwenda ku mbingu. Des frères et des sœurs qui doivent aller au ciel. Ba sœur na ba frère banakankamana kabalache. Des frères et des sœurs qui perdent. Attachone kintu. Même si ne voit rien. Mais sûr akusema njo tabia ya huyu Mungu. Néanmoins il est sûr que c'est ça les caractères. Pour siku yangu. Il y a mon jour qui m'est réservé. Iko hapo. Il est là. Je ne peux pas l'acheter. Vile vendredi, il faut que vous n'avez pas de chakula. Mitenda. Comme vendredi, Ce qui est vrai, c'est que Dieu Mungu a dit à Kweru, il fâche mine chakufika. Ce qui est vrai, c'est lui le véritable Dieu. Là, na, ashi sabwake. Et il n'oublie jamais. Vers la 9e heure du jour, verset 4, prends le verset. Le regard fixé sur lui et saisi d'effroi, il répondit. Macho yenye kumwangalia akashika na oga akajibu. Il voit quelqu'un devant lui. Akaona mtu mwambele yake. Qu'est-ce que c'est? Ni mambo kaya. Ana paniqué sana. Il a eu des paniques. Et l'ange lui dit. Na malaika akamwambia. I maombi yote unafanyaka. Toutes tes prières que tu as toujours fait. Ujitoa koto nijitoa. Tous tes sacrifices que tu fais. I ma kazi yote unafanyaka baada na ba frère. Tous les services que tu rends. I ma sacrifice yote unapanga njoo batumisha Mungu. Tous les sacrifices que tu rends au serviteur de Dieu. Yote binafika kumbingu. Tout cela est parvenu au ciel. Mungu leo. Aujourd'hui Dieu. Anakukumbuka. Se souvient de toi. Amen. Amen. C'est le Dieu que nous avons cru. Il y a un jour pour toi. Il y a un jour pour moi. Alors ne lâchez pas. Ça se nonne, on a lâché. Voyez-vous pourquoi tu lâches? Tu nonnes. Voyez-vous? Frère, on connaît sa mission et quinte. Tu es beaucoup responsable. Je ne vois rien. Bougie ton ibois. Beaucoup responsable. Tu es responsable. Corneille avait combien de prédicateurs? Corneille, Arkwana Baubiringapi. Qui lui disait? Nani Arkwana Mabia. Oui, Dada Shina Nabikoembo Mupe. Cette sœur n'a pas de Shina Nabiakura. Tous ces hommes-là. Il est massada. Corneille le faisait. Qui l'excitait à faire ça? Nani Arkwana Muskou. Corneille savait que Ouyu Mungu ni Mungu Abiakweri. Il savait que ce Dieu ici est vrai. Je vais vous donner l'écriture, lui qui l'aidait, peut-être. Tamipati Andi Kouyu. Lui n'avait pas, mais il le faisait. Hébreu. Hébreu 6. Mais toi et moi, nous avons ces écritures. Tout ensemble. Nous serons jugés. Tout ensemble. Nous serons jugés. Hébreu 6. Verset 9. Waibrania sita musaria. Nous parlons ainsi. Nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Tunachunga kwenu bitu vya mielekea vya mafaa. Tukunasema muina mnani juu ya kusexciter ba frère na ba sœur mushilache. Nous parlons de cette manière. Mukankamane. Jésus Christ ni Mungu anakumbukaka kulipana bantu bote. Jésus Christ est un Dieu qui se souvient déjà et les récompense. Ashisabwa keko na kitabu kile mule kuna njika. Inoublie jamais il a un livre. Kama unalekea kuna kwisho na perdre vyote. Dès que tu lâches c'est fini, tu vas tout gâcher. Ça c'est tout fini. Que feras-tu? Toujours des explications. Pas comme ma fille. Qu'est-ce que tu feras? Ta fini. Que feras-tu? On a besoin de frères pour travailler. Auna takul. Tu n'as pas dit manduku wako watumike. On a besoin de ceci. Auna takul. Au sutukaji. Vraiment indifférent. Ça, c'est le nom de la Corneille. Voyez-vous les Corneilles? Mais Toi, tu as beaucoup d'exemples. Corneille avec quels exemples? Cornelia, lui, c'était un Italien. Voyez-vous? Missionne mukono mungu frère missionne mungu ko intervenir. Je ne vois pas la main de Dieu. Si t'habilles à mungu yo injevi mungu anekalaka. Voilà la façon d'agir de Dieu, c'est comme ça qu'il agit. Les prédications, mauviri, c'est pour vous pousser nijua kumisukuma dans la voie du salut. Munjia ya vous êtes déjà venu à la vérité. Unesha kufika ku kweli. Vous êtes venu déjà à la lumière. Unesha kufika ku nuru. Maintenant saisissez l'occasion pour devenir des enfants de la lumière. Sasa ufadie ibati, portant des fruits de la lumière. Toto wa nuru na kutoa vous êtes à la lumière, mais vous arrêtez. Alakini wewe unasimama. À quoi sera servi la lumière pour vous? Juste à attaquer les gens des témoins de Dieu, va se moquer d'eux et tout ça. Si tu as coulé ça, on te demandera. On a appris qu'il y a eu un enlèvement. Pourquoi pas dit? Comment toi tu es resté? Non, ni ku vierge folle. Non. Vierge folle. Pourquoi pour nous rendre au vierge folle? Est-ce que tu étais à la lumière pour que tu sois vierge folle? Nous, on est venus à la lumière. On a reconnu le ministère prophétique. Le ministère des francs. On a reconnu le ministère qu'il y a localement. Pour aller dans l'enlèvement. Pas pour manquer l'enlèvement. Ouais, comme on recouille, on a pas mouillé bibliothèque. Et manquer l'enlèvement, tu es malheureux. Si toi tu es venu na kujua bitu byote akosa kunyanyuliwa ukuaole. Tu es malheureux. Verset 10. Musari ya 10. Car kwani? Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Mungu ana muzalimu juu ya kusabu kazi yako na mapendo ile ulionyesha juu ya jina lake. Ayant rendu et rendant encore des services au sein. Mwenye kutumikia na huku nendelea tena kutumikia watakatifu. Chunon. Vaevu? Dieu. Mungu. C'est ça. C'est ça sa nature. Joy inamuna yake ya kutenda. Mungu, ujifunule kwa kwangu. Shinjoi, shioi. Mungu anakonesha se, miye njevu mine kalaka. Voilà, il te montre comment il agit. Mishi sabwake. Il n'oublie jamais. Bantu bana sabwake, mimi mishi sabwake. Les gens peuvent oublier, mais yote bile huku nafanya. Kufunga chakula, kuomba kila vendredi. Kusaidia batumisha, kusaidia ba frère, kusaidia ba dada, kusaidia ta ba pagano. Miye shi sabwake. Moi, Dieu, je ne peux pas oublier. Ce n'est pas clair? Et abina wazi? C'est clair, non? Biku wazi. Vous voulez que Dieu fasse quoi? On appelle Mungu afanye nini? Frère, qu'on voit une lumière surnaturelle. Que la lumière là soit photographiée sur la tête du pasteur ou bien dans l'église. Qu'on voit une main pour croire que c'est ça la vraie assemblée. Tu attendras longtemps. Que je sente dans le corps quelque chose, frère. C'est ce qui va produire la conviction. Tu attendras longtemps. L'écriture. L'écriture Andiko suffit ineneya pour connaître qui est Dieu. Tu pate kutambua Mungu ni nani. Nous désirons que chacun de vous montre les mêmes zèles pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Tunatamani kila mmoja wenu apate kuonesha bidii moja moja kufika na kumatumaini ya en sorte que vous ne vous relâchez point. Mukimo wa kusema mushiache kamwe. Usilekeye. Usilekeye kamwe. Usache. Vous ne vous lâchez point. Ata uko mumateso usache. Peu importe que vous soyez dans la souffrance, il faut jamais relâcher. Ata programa kwa kuna kuambruye je. Fanya nguvu njuu ya Mungu tasema hapa mina abipande bishuke minenda. Malgré que ton programme est embrouillé, faites un effort. Fanya nguvu. Que tu fournisses un effort. Et que vous imitiez ceux qui, par la foi, na mupate kufatirisha bale bo kupitia imani. Imitez qui? Kufatirisha banani. Rahab. Imitez qui? Kufatirisha banani. Ruth. Luta. Imitez qui? Kufatirisha nani? Moïse. Moussa. Il avait beaucoup de faveurs devant lui. Alikuwa na mafaida mingi mbele yake. Mais comme il a appris des choses reconnues et très certaines de la bouche de sa maman, kupitia kinywa mama yake. Moïse a dit, hein, Musa alisema, hata kama mishone signe fulani. Même si je ne vois aucun signe. Ibi mama ananiambia binenea. Seke ma mère m'a dit ça suffit. Minenda. J'y vais. Muzuri atani bakia mashikini mimi ndechika kupusa bibi ntubyo. Otamie reste même Quand la maman prêchait à Moïse, qu'est-ce qu'il y avait comme signe? Wakati mama ki alikuwa anafundisha Musa kulikuwa alama. Y avait-il un signe? Eti kulikuwa alama? Nul. Hakukuwa alama tamu. Comment Moïse s'était décidé? Sasa Musa alichukua mpango namna gani? De partir. Ya kuenda. C'est un grand risque. Ni hatari munene. Aseme mzuri. Otamie. Je prends position pour ces gens. Je prends position pour ces dieux. Je prends position pour cette vérité là. C'est fini. Advienne que pourra. Dieu Mungu adiakweli. C'est lui le véritable Dieu. Minenda. Je m'en vais. Il est parti. Alienda. Dieu l'a-t-il oublié? Et Mungu ali musabu? Exactement. Moi venye mko wa shuda. À 80 ans. Miaka makumi munani. Dieu s'est dit. Mungu akasema. C'est ça le moment favorable. Sasa hiyo wakati ya mafaa. Mungu anakumbuka. Dieu se souvenir de lui. Pour vous montrer que Dieu n'oublie pas. Dieu kumiona chafe Mungu ashisabwa ke. C'était ça le temps favorable pour Dieu. Il est joyeux quoi wakati ya mafaa. D'abord, Moïse a pitié ses 50 ans. Ça commence que Moïse 60 ans, 50 ans, 60 ans. 70 ans. Miaka makumi saba. Frère, 4. Miaka makumi munani. Ah, mouvement monde tu sais ça. Il m'a même pas là on dira non. Laissez. Mungu afanye kitu tena vitani. Que Dieu fasse encore quelque chose à cet âge ici. Oui. Munaona? Dieu, Mungu n'est pas dans les troutards. Ana mu mambo ya kisha. Dieu, Mungu n'est pas dans les abisha taisha kupita. Ah, kala que dans ce que les gens peuvent dire c'est déjà ça. Dieu n'est pas comme ça. Mungu kala que file. Dieu n'est pas dans le langage humain. Mungu ana umisemeo ya bantu hapana. Du genre oh c'est dépassé. Ce mot wakati ishapita. Sabutu dada sabu. Oublie ma sœur, oublie mon frère. Unaichi katupaka vile situation. Accepte seulement la situation. Non. Hapana. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Elle est même. Eko sawa sawa. Elle est même. Eko sawa sawa. Que ça? Ya hii. Que ça vous excite un peu. Ipate kumilamusha. Avancez encore. Mupate kwenda tusonga mbele. Imitez ces gens-là. Mufatirisha babatu. Par la foi. Kwa imani. Et la persévérance. Na kudumu. Hérite les promesses. Bari hiriti marako. Regardez le verset 13 jusqu'à je crois 20. Hein? Tazameni mustari. Toujours le même chapitre. Je prends juste un petit verset. Na chugwa tu mustari kidogo. Verset 17. Mustari ya 17. C'est pourquoi. Jokomana. Dieu. Mungu. Voulant montrer. Avec plus d'évidence, plus de preuves. Na kikisho mingi aux héritiers. Kwa bairiti, Dieu veut montrer. Mungu anapenda kuonesha aux héritiers. Kwa bairiti, qui sont ces héritiers? Bairiti ni banani? Joshie. C'est nous. Dieu veut nous montrer. Mungu anapenda avec kutonesha beaucoup de preuves. Na kikisho mingi que il n'oublie jamais. Ya kwamba ashisabwa ke kamwe. Quand il a fait une promesse. Wakati alilaka malako. Et que vous êtes convaincu que c'est ça le véritable Dieu. Na kuhakikishwa kwamba huyu Dieu. Et que c'est ça la vérité. Na njoo ukweli. Tenez ferme. Upate usimama imara. Et avancez. Na we usonge mbele. Dieu veut montrer. Mungu anapenda kuonesha. Par Noé. Kupitia Noah. Abraham. Ibrahim. Moïse. Musa. Et tous les restes. Na wale wengine. Dieu veut nous montrer. Mungu anapenda kutuonesha sisi. Avec beaucoup de preuves. Nama kikisho mingi. Quelles sont ces preuves? Maalama gani? Abraham est une preuve. Ibrahim ni akikisho. Noé est une preuve. Noah ni akikisho. Jacob est Jacobo une preuve. Ni akikisho. Joseph est une Yusufu preuve. Yusufu ni akikisho. Dieu veut nous montrer ça. Mungu anapenda kutuonesha hiyo. Aux héritiers de la promesse. Kwa bairiti ba malako. L'immuabilité de sa résolution. Kukosa kubadirika kwa mipango yake. Le caractère immuable. Tabia ya sipo kubadirika. Sa parole ne change point. Neno lake hayezi kama kubadirika. Ce qu'il a dit. Kila anasema. Il le fera. Atakitimiza. Quel que soit le temps que ça peut prendre. Aizuru kigawia muda gani. Habakkuk dit ceci. Habakkuk anasema hivi. Cette parole. I neno. Est prévu pour un temps. Ni yenye kutayarishiwa kwa si muda. Elle tarde, attends, wewe, sois patient. Ufumilie. Attends, elle va s'accomplir. Ufumilie, tatimilika. Ne te décourage pas. Ushilekeye. Comme Dieu a dit une parole. Kama vile Mungu ndio alisema. Attendez. Uichunge. Persévérez. Udumu. Jusqu'au temps où. Kufika mwakati mule. Dieu se tournera pour dire. Mungu atageuka na kusema. Leo ni ye. Aujourd'hui c'est son tour. Kesho ni huyu. Le lendemain ce sera pour tel. Il le récompense entièrement. Ekonalipa vyenye kweneana. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. C'est ça notre Dieu. Hébreux 11. Comme on est là-bas. Hébreux 11. Verset 24. C'est par la foi ni kwa imani que Moïse, Djo Moussa, devenu grand. Kisha ye kwa mkubwa, la foi c'est quoi? Imani ni nini? C'est que Dieu vous a convaincu ni ya kwamba Mungu anakuwa kikishia, dans votre cœur mumoyo wako, que c'est lui le véritable Dieu. Ya kwamba ye Djo Mungu wa kweli. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ni nani ula retambua mkono wa milele? C'est lui-là qui a la foi. Ni ule kuna imani. À qui Dieu s'est révélé? Kwake yeye Mungu alijifunua. À qui Dieu a révélé sa volonté? Kwake yeye Mungu alimfunulia mapenzi yake. À qui Dieu a révélé son programme? Kwake yeye Mungu alimfunulia mapu yake. À qui Dieu a révélé la vérité du jour? Kwake yeye Mungu alimfunulia ukweli wa siku. Et cela produit la foi. Na ile natoa imani. Avec ou sans sensation. Na kuchemka wala bila kuchemka. Avec ou sans signe surnaturel. Na alama ya kimungu wala hapana. Quand Moïse est devenu grand. Wakati Musa alikomala. Il y a bilombe tena alama fulani. Ça ne demande plus de signes. La seule conviction que j'ai, ça suffit. Pour que je me décide maintenant. Tu n'es pas te couchoua, ça c'est une femme. Soit je deviens pharaon. Voilà, mina quoi pharaon. Soit je prends position pour la parole. Voilà, mina si mama kungambo ya neno ya Mungu. Moïse lui a dit. Musa yalisema. Ça va. Mzuri. Je refuse. Atakama mishishike sensation. Mina katala mishishike aucune sensation. Je refuse d'être appelé fils de la fille. Mina katala vanite kwa mtoto wa binti wa pharaon. C'est tout. Kula et il est parti. Na alienda zake. Mais comme il était convaincu que huyu Mungu mina mini njo Mungu wa vya kweli. Comme il avait la conviction que c'est Dieu en qui je crois, c'est lui le vrai Dieu. Verset 27. C'est par la foi. Ni kwa imani, la conviction qu'il avait dans son cœur qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère de Pharaon. Ashishutuke ashone gravité ya mambo. Il n'a pas vu la gravité de la chose. Anasema afanye vyote bitataka mimi kuna Mungu. Il a dit advienne que pourra mais néanmoins j'ai Dieu. Kani kufa ni kufwe. Il faut que je meure. Mais injo kweli mimi napata. Celle-ci, c'est lui le véritable Dieu. A Chichutouke, frère. Il était vraiment. Il n'a pas eu peur de toutes les terreurs de Satan. Je pars. Minaenda. Sans être effrayé de la colère du roi. Bila kusikia boka wa katirani. Car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Akasimama imara sawa mtu mwenye kuona wasipo kuonekana. C'est ce que nous faisons. Et ndio ile tukunafanya. Posez-vous la question. Mujulize. Sans être effrayé. Bila kusikia boka. Mais regarde maintenant toi. Sasa ujiangalie wewe. Miaka inaanza kuchofa bakowe. Les années avancent, tu n'es pas épousé. Troublé. Unafadhaika. Effrayé. Unashikia boka. Qui est pharaon pour c'est Satan pharaon qui te trouble. Pharaon kwako nini? Ni shetani. Miaka inachofa. Oh mon frère, les années avancent. Tu es effrayé. La stérilité c'est pharaon pour toi. Unashikia boka, butasa ni pharaon. Le célibat c'est Satan qui te trouble. Qui te fraye maintenant, tu paniques. Au pas de cage, tu es effrayé. Tu n'as pas de l'emploi, on a ce qu'il y a boca. C'est pharaon. Oui, on est pharaon. Effrayé. On a ce qu'il y a boca. Frère, mais je ne vois rien. Lubumbashi, pour ma opportunité. Tu es effrayé. Mais les élus, le sans être effrayés, ils disent, comme je suis en un lieu où Dieu descend et nous parle. Attention, Kintu. Dieu est ici. Et pour moi, ça suffit. Ce Dieu ici n'est pas injuste pour oublier tout ce que j'ai fait. Il y a un jour, pour moi, c'est quand, je ne sais pas, mais il y a un jour. Satan, qu'il pleuve, qu'il neige, il y a un jour pour moi. Chaque jour que je viens, je cherche sa face. Je cherche sa face. Le jour où Dieu commettra l'erreur de se tourner vers moi, C'est fini. Ce sera la fin de mes pleurs. La fin de mes yangu. Souffrances. La fin de mes ennuis. Mais entre-temps, pale, cherchez toujours sa face. Wendele kutafuta uso wake. Faites comme Ruth. Ufanye sawa Luta. Un peu ici. Kulokota un peu là-bas. Pale, continuez et persévérez. Na fait imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, bale kupitia imani na ont arraché quelque chose de la part de Dieu. Baripata ko kitu kwa upande wa Mungu. Mais si vous vous relâchez, kama c'est fini pour toi. Wekankamana. Persévère. Est-ce que les élus sont là? Amen. Que Dieu vous se souvienne de vous. Amen. Mungu amikumbuke. Que Dieu se souvienne de Mungu vous. Mungu amikumbuke. Sans être effrayé. Bila kusikia oga. Qu'est-ce qui vous effraie encore? Nini la kushikirisha tena? C'est le chômage? Eti nukosa kazi? C'est le mariage? Kukosa ndoa? C'est quoi? Manquer quoi? Kukosa qu'est-ce qui vous effraie? Nini la kushikirisha boka? C'est quoi? Nini? Shunon. Voyez-vous? Nona. Voyez-vous? Voilà pourquoi vous ne portez pas de fruits. Joko mana mutoe matunda. Mais c'est Dieu vous reconnaît comme étant quelqu'un qui l'a arraché des dénominations. Et vous a placé ici. Mungu anamijua sawa mtu la ritosha mzebo na kumiweka hapa. Pourquoi? Dieu a nini? Pour porter des fruits. Dieu a kutoa matunda. Dieu vous reconnaît ça. Mungu anamijua vile. Dieu sait qui est responsable. C'est lui qui vous a amené ici. Mungu anajua sema yeye ndio yuko na ile buzito ya kumileta hapa. Maintenant, vous relâchez pourquoi? Sasa unaacha dieu a nini? Vous êtes effrayé pourquoi? Unasikia boka dieu a nini? Ils avaient beaucoup de choses en face d'eux. Ils pouvaient les effrayer. Tu vois, toutes ces choses ont été écrites pour que les élus qui sont ici et les héritiers qui sont ici va fonger la mission. Qui puissent ouvrir grandement les yeux. Va comprendre que... Tu comprends que... Makambo est un avantage. Alors, kotikate. Ah, tu chiache, ne lâchons pas. Ne relâchons pas. Mushiache kame. Nzambo ya futaka. Uyu Mungu analipaka. Emate kita futaka. Ipande bishuke ya analipaka. Peu importe le temps. Aizuru wakati analipaka. Continue à chercher sa face. Andendelea kutafuta uso wake. Oui. Munaona. Dites à ceux qui ont le cœur troublé que Dieu vient. Dieu se souvient. Ceux qui avaient le cœur troublé jusqu'à ce soir. Avez-vous entendu? Amen. Amen. Que cela puisse vous guérir. Dites à ceux qui ont les mains qui s'affaiblissent. Affermissez-vous. Pourquoi? La vengeance de Dieu viendra. Pas seulement la vengeance, la rétribution, ma futaka. Analipaka. La rétribution, je suis dans Esaïe 35. La rétribution de Dieu. Malipo ya Mungu. Il viendra lui-même atakuya ye mwenyewe vers vous. Wenu. Chacun de vous. Il viendra. Kila mmoja wenu atakuja. Et ce sera la fin de vos années. Itakuwa ndio mwisho wa mangaiko yenu. Ça son nom. Faut pas relâcher ma soeur. Ne relâche pas mon frère. Nous sommes dans la vérité. C'est un vrai Dieu que nous croyons. Même si tu ne fais pas bien, toi persévère seulement. Si j'ai eu l'endage miambi. Comment David pas quand devant Goliath. Si David avant d'arrondir sa foudre à l'âme. Dieu ne lui aurait pas donné. Dieu ne lui a pas donné ça. Oui, kumbuka tout dans tes souvenirs. Souviens-toi seulement. Comment Dieu t'a arraché de telles dénominations pour t'amener ici. Frère Guy a dit Lolo, non? Une fois il m'a dit, j'ai senti une conviction qu'il faut rentrer ici. Qui lui a dit ça? Depuis qu'il est là, Dieu l'a abandonné. Et tu tangiais quoi, pas Mungu na mwacha? Que cela vous serve d'exemple, non? Il me saidie ça wa mufano. C'est ça le lion ou l'ours que David a tué. Mais que cela vous donne de la stimulation pour avancer dans les choses profondes. Josimba na dugule Daudi aliua ipate kumichemusha juu mupate kuendelea. Sina wewe huko na tume example twa mingi. Kwa sisi tu ya beaucoup d'exemples assis. Wewe mnyanga resume. Tu vintu ndanzu minimize kumbi ce sont des tremplins sûrs. Des choses que je minimise kumbi jo inye pa kusimamia pa hakika. Inenea? Ça me suffit. Pour David, on parle du lion et de l'ours. Mais toi, vérifie, il y a quelque part où Dieu t'a rendu capable de passer d'une étape à une autre. C'est ça l'ours qui avait été tué. C'est ça le lion qui avait été tué. Maintenant, tu es en face de toi. Peut-être le mariage qui ne vient pas. Peut-être les enfants qui ne viennent pas. Peut-être le travail qui ne vient pas. Peut-être un péché qui vous bloque. C'est Goliath. Et que devez-vous faire? Il n'y a pas de calcul. Celui qui m'a aidé dans les autres fois, il n'a eu tombera. Même à ceci aussi, il m'aidera, il t'angouka. C'est comme ça qu'il faut marcher dans la parole de Dieu. La parole est apportée comme du fumier, de l'engrais qu'on vous met. Que Dieu vous bénisse. Regardez Rahab. Elle avait quoi? Rien du tout. Mais on parle d'elle aujourd'hui. On parle d'elle aujourd'hui. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Beaucoup. Des gens sans aucun signe. Mais on persévère. Sachant tout simplement que c'est Dieu ici. Il lui est impossible. Il a montré avec beaucoup de preuves. Quand on parle des héritiers là, il dit qu'il m'a montré moi qui suis son héritier beaucoup de preuves. Que quand sa parole est sortie, c'est ça sa résolution. Elle est immuable. Le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. Qu'est-ce que ça va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Elles s'accompliront. Rien ne peut empêcher ça. Rien ne peut empêcher ça. Les élus ont-ils maintenant de la lumière? Jean 12. Yohane sura 12. Comme vous avez la lumière. Sawa vile mwesha pata mwangaza. Jean 12. Yohane sura 12. Verset 35. Mustari ya 35. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Autrement, celui qui est dans la lumière, lui, il sait là où il va. Vous savez là où nous allons. Vous savez pourquoi nous sommes ici. Ceux des Nzambe Malamu ignorent ce qui se passe. Vous savez que nous sommes ici, nous attendons l'enlèvement. Mais Dieu ne nous fait pas seulement attendre l'enlèvement. Asituchungishe tu paka kunyanyuliwa bule. Qu'est-ce qu'il fait? Eko nafanya tena nini? Psaume dit. Zaburi nasema. Les miracles. Mamiujiza. C'est pour les morts ou pour les vivants? Eti ni abenye kufa wala ni abajima. Nous répondons. Tutajibu. C'est pour les vivants. Ni abenye kwa abajima. Alors. Les prodiges. Manchara. C'est pour les vivants ou pour les morts? Niabafu, wala yabazima. C'est pour les vivants. Niabajima. Maintenant, nous sommes les vivants. Sasa shinjo bajima. Dieu se souviendra. Mungu atatukumbuka. Pendant que vous avez la lumière, wakati ile mungariki, croyez en la lumière, muamini nuru, afin que vous soyez des enfants de la lumière. Ili mupate kwa batoto ya nuru. Persévérez dans la Mudumu katika nuru. Que le Seigneur Buana vous bénisse. Amibariki. Nous nous levons. Tutasimama. Si la chorale peut nous entonner un cantique. Kama kwaya inaweza kututumia wimbo. Unipe moyo safi Bwana ningie mbinguni. Unipe moyo safi Bwana. Unipe moyo safi ningie mbinguni. Nikae pamoja naye, unyongoze, unyongoze katika safari, unishike mkono wako, unipe, unipe moyo safi. Dites comme les disciples. Vous aimez ça, wanafunzi. Seigneur, Bwana, augmente-moi la foi. Uniongeze imani. Dites comme ce papa qui avait un enfant qui connaissait d'épilepsie. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Bwana, ukonisaidie kutokuamini kwangu. Prions tous. Tuombe sisi wote.